cerveau se blédénise. Ici, les âmes se compressent et les poitrails se fêlent réel. Dessous de vie, on doit miser. Bien réviser son être avant d'échelonner. J'ai eu bon être ici, mon cerveau se blédénise. Ici, les âmes se compressent et les poitrails se fêlent réel. Dessous de vie, on doit miser. Bien réviser son être avant d'échelonner. Encore en train de tremper, là où il y a peu de thunes. Souhaite l'opportune, n'idée de faire fortune. Dans un tas de soucis, ça sent le roussi. Suicide comme raccourci. Pour certains, ma fin justifie mes moyens. Sans frein ni flemme, pas un mec qui sert à rien. Mes thèmes, je les balance au trône. Ma crème de fille où je félicite mes parents qui étaient les Comores pour la France. En cité, cite, pour aller thunes ici. Pour un bon retour aux abriquettes, les impôts, pas de thunes donc. Pas de beau reflet de quotidien. Je préviens jusqu'au ce matin. Taper mon sac de riz de 25 kilos chez Noachi. Pour nourrir négro, car votre plat négro. Content, escroc, je le suis. Ça a commencé par les papiers français. Tu me suis, prêt à y poser. C'est ma progéniture de Mamadou. J'ai eu bon être ici, mon cerveau se blédénise. Ici, les âmes se compressent et les poitrails se fêlent réel. Dessous de vie, on doit miser. Bien réviser son être avant d'échelonner. J'ai eu bon être ici, mon cerveau se blédénise. Ici, les âmes se compressent et les poitrails se fêlent réel. Dessous de vie, on doit miser. Bien réviser son être avant d'échelonner. Mon accident, c'est d'avoir atterri en Occident, résident dans les quartiers d'immigration considérant blédénisé. L'Afrique du Nord à l'Europe de l'Est, j'ai beau poser des questions, chercher les bons filons comme ceux qui pousseront à éclaircir ma mission. Ma vision se noie depuis petit, je crois. Conspiration, intégration, la terre-mère en action pour nourrir ces garçons réunis. On fait de nous des ennemis, public même des fois qu'on s'empresse à juger, y associant le teint qui ne plaît qu'au bled. Et encore, le boulon trop de frontières, on sent mal ici, mal là-bas, car ici ou là-bas, souvent je le sens. Sans le front national vacillant, sans te mentir, laissant passer le temps stressant. Rêve perdu, où est perdument attendu. Pensée floue, revêtue d'une tenue qui scintille. 2000 fleurs pour peu de brindilles. Pense, lequel des deux résiste à chaque saison. J'ai eu bon être ici, vivre ici, de Varsovie à Alger. Mon cerveau s'est blédénisé. J'ai eu bon être ici, mon cerveau se blédénise. Ici, les âmes se compressent et les poitrails se fêlent réel. Dessous de vie, on doit miser. Bien réviser son être avant d'échelonner. J'ai eu bon être ici, mon cerveau se blédénise. Ici, les âmes se compressent et les poitrails se fêlent réel. Dessous de vie, on doit miser. Bien réviser son être avant d'échelonner.